chantent faux, du moins c'est ce qu'on dit, n'ont jamais rien appris et ignorent le beau. Les gens qui chantent faux, personne ne les écoute, leur musique déroute, nous mettant porte-à-faux. Leur bruit si malhabile agresse nos tympans, habitués de tout temps à des sons plus civils, ne sont-ils pas pourtant, avec leurs dissonances, évidentes errances, les plus intéressants. Les gens qui chantent juste sont toujours comme il faut, pas le moindre défaut, et la voix si robuste, même sans d'autres attraits, leurs jolies mélodies sont toujours applaudies, reconnues et louées. Ils ont pour eux l'oreille, enfin celle du monde, où le facile inonde, s'installe puis émerveille. Ils chantent juste, certes, leur musique repose, mais une question se pose, l'oreille est-elle alerte? Les gens qui chantent faux aiment à être autrement, loin du temps et du vent, sans hisser leur drapeau. Mais faut-il leur dire, cette liberté infâme risque de faire un drame, ils vont sûrement périr. Ont-ils seulement l'idée qu'aujourd'hui l'important, pour vivre avec son temps et de ne pas penser, restez bien dans le temps, suivez le bras du chef, gardez la note, bref, restez bien dans le rang. Répétez joliment, est une douce chose, plaisant comme une rose, oui mais honnêtement, les gens qui chantent juste, dont c'est le seul talent, ne sont que des brigands pratiquant la flibuste. Moi je le dis tout haut, qu'on me comprenne pas, j'aime le doux fracas des gens qui chantent faux. Mais contre ces injustes, j'ai perdu le combat, car même cette chanson-là, je veux la chanter juste.